les différences sont pas instaurées à la naissance. Avec le temps que j'ai compris que l'important c'est la confiance. La sociabilité n'a rien de naturel. J'essaye, je peux pas, me crier pas dans les oreilles. Mon rapport à la nourriture est sélectif. Mon rapport à la nature n'a rien d'instinctif. J'ai pas beaucoup d'amis, c'est par choix, pas par dépit. Et si j'ai beaucoup d'ennemis, c'est leur choix, moi je les oublie. Je débute, débine pas, moi j'habite dans mes effrois. Et tout le temps j'ai froid, avec mon blas sur la je plat. Plat c'est ce que j'étais, mais voilà que c'est terminé. J'attire plus les mêmes que mes, comme si ma gueule avait changé. Donne pas ma confiance, même après plusieurs années. On ment encore et ça m'en prouvait qu'il y a des deux traits dans l'amitié. La vie ça se réitère, j'essaie pas de comprendre son sens. J'ai pas de tendance à l'optimisme, je suis vénère, qu'importe le temps. C'est pas mieux, c'est pas question d'être jeune ou vieux. C'est question de faire des gosses, relève d'un saut périlleux. Je suis une hypersensible en surface, mais une femme au final. Et toi tu rentres pas chez moi si je ne te connais pas. Avec mes pinkos c'est la même, je suis en distance, y'a rien à faire. Décroche quand ça jacasse juste pour passer les heures. Je m'ennuie sincèrement, mais réfléchis sérieusement. Toute seule je peux pas vivre, je te le dis honnêtement. J'essaie de me connaître la manière la plus précise. C'est pas en établissant des relations que je m'épanouis. J'ai mes émotions sous contrôle, mais quand ça pète tout est permis. Trop tard, m'énerve trop comme en libre service vers la folie. Je profite pas de la vie, je suis pas jouissive et gourmande. Mais j'aime la vitesse, alors je me prends des amendes. Je suis pas envahissante, mais à l'écoute si t'as besoin. Je vais pas fouiller chez les gens, ni dans leur passé, tu m'entends bien. Je néglige ma santé, j'attends le cancer pour consulter. Je bouffe pas de cachet, je suis pas maquillée, je veux pas me cacher. Je suis pas de joie de vivre, de bonne humeur, du virilité. Je suis pas une gamine, j'ai raté des standards comme les Walt Disney. J'ai des objectifs francs, j'ai pas canné des éléphants. Je m'invente pas une vie, la mienne est déjà bien remplie. On peut pas dire, mon tempérament est apprécié. Je suis difficile, je le sais, mais j'ai déjà bien changé. J'ai pas l'art de stimuler tout le monde, je teste pas mon pouvoir de séduction et je reste sur mes convictions. Y'a du désenchantement sur mon visage, ça se voit, j'ai cru en tes mirages. La rage a laissé place à des dommages. Je titube dans mes méandres, je suis impulsif. Si tu me mens à tout moment, reste en retrait. Si de la rage j'ai que le cran, moi j'évite les conflits, j'essaie d'être conciliante. Mais faut pas abuser de ma patience, je deviens méchante. Je vis dans l'inquiétude d'être entamée par ce qui m'entoure. Car faut pas croire, j'ai un cœur, mais c'est comme un compte à rebours. Je peux aussi sembler froide et indifférente. Remarque, je vais pas être une chaudasse, un peu d'intelligence. Faudrait peut-être que j'ai l'accoutumance des filles d'aujourd'hui. Aller en boîte de nuit plutôt que de flipper dans mon lit. Faudrait peut-être que je sorte, que je rencontre plus de monde. Insociable, je me méfie, alors je m'écarte de la ronde. Faudrait peut-être que j'arrête tous mes cassettes, parce que je vois des trucs pas nets, même quand ils sont honnêtes. Faudrait peut-être que je plonge mes déviances dans le passé. Mais à cause de vos défiances, je m'y suis accroché. Faudrait peut-être que j'arrête, que je me projette, que je me rachète des lunettes, que je prenne plus soin de ma tête. Faudrait peut-être que je me remette au sport. J'étais doué, mais après débauché, tous les soirs je suis déprimé. Faudrait peut-être que je corresponde à des critères qui sont pas les miens, puis accepter le regard des hommes sur mes reins. Faudrait peut-être que je mange plus, que je mange mieux. Génération qu'on a rien à foutre, mettre à couvert pour deux. Faudrait peut-être que j'ouvre quand ça sonne à la porte, que je fasse des efforts, que je filtre plus les appels sur mon phone. Faudrait peut-être que je me détende, ouais, que je me confie. Mais crois-moi, si je vais voir un psy, il ira voir un psy. Faudrait peut-être que je sois une mère avant tout, une épouse avant tout, mais je suis moi avant tout. Ça me freine et ça me trouble. Faudrait peut-être que j'arrête de me poser des questions. Parler au conditionnel fera pas changer les vraies raisons.